Sylke-Mathe, hebdomadaire de Phil Desgagnes. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, le Canadien, c'est incroyable. Ben, on voit une semaine. Puis moi, je suis encore dessus pareil parce que je me dis, garde, là, c'est pas avec le. Oui, le club se replace. Par contre, c'est pas avec ça qu'on va gagner une Coupe Stanley. Sauf que forcé d'admettre que le Carey Price qu'on voit depuis quelques jours, c'est le Carey Price, évidemment, que c'est le vrai Carey qu'on revoit là. Puis le club se porte mieux dans le fond. C'est le gardien numéro un du Canadien, puis c'est le gardien qui fait la différence dans les parties, puis il faut qu'il fasse la différence dans les parties. C'est son rôle avec le Canadien, c'est le joueur de franchise, donc c'est le joueur le mieux payé du club. Il faut qu'il donne le rendement exactement. En début d'année, c'était pas le cas. Je vois qu'il se met avec une moyenne de 3 buts et demi par match, mais là, depuis les dernières rencontres, on retrouve le vrai Carey Price. Et ça donne également une nouvelle dimension au niveau des joueurs, parce que la confiance est là. On peut prendre des chances. Les défenseurs paraissent mieux. Écoute, les trois derniers matchs, on a gagné sans Weber, là. Ah non, Jeff Petrie a joué pendant plusieurs minutes, là. Écoute, il y a des joueurs qui prennent plusieurs minutes, puis on sent également qu'il y a une meilleure chimie. Drouin n'était pas là au dernier match, mais on sent que Jonathan retrouve également le rythme qu'on s'attendait de lui en début de saison, puis qui, malheureusement, ben, ça prend un certain temps. Puis je pense que Claude Julien le dit très bien. On avait beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a une adaptation à faire. C'est pas évident. Puis là, le Canadien, c'est une série de matchs au Centre Bell. Donc, il faut profiter de cette occasion-là pour relancer l'équipe vraiment, puis se redonner confiance. Puis c'est exactement ce qui est arrivé dans les dernières rencontres. On voit également que le trio de Hudon avec Plekanec et Gallagher fonctionne à plein régime. C'est vraiment le premier trio du Canadien. Pacioretty n'est pas encore en marche, mais quand Pacioretty va se mettre en marche, le Canadien va être mieux nanti. Donc, jusqu'actuellement, il faut admettre que le Canadien donne espoir à ses partisans, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hey Phil, je vais te laisser rapidement parce que je sais que tu as une bonne grippe. J'ai eu Daniel Brière en entrevue hier sur son livre. Oui. Écoute, j'y ai posé la question parce que depuis deux jours, les médias de Montréal, c'est ce qui retient du livre, c'est l'histoire avec Michel Therrien. Là, tu n'as entendu parler certainement. Brière m'a dit oui, je suis déçu que les gens ont retenu beaucoup ça du livre. Mais penses-tu que. Je pense que les carottes sont quittes pour Michel Therrien. Hein? Il y a eu l'histoire de Max Pacioretty. Là, il y a cette histoire-là. Tu sais, c'est un gars comme. À Montréal, c'est sûr que Michel Therrien ne reviendra pas. Est-ce qu'ailleurs, il y aura une chance de diriger un club? Il y a une chose qu'il faut que tu donnes à Therrien. C'est un gagnant, là. Ouais. Je regarde, là, les statistiques sont quand même intéressantes pour lui. Moi, je pense que avant la fin de la saison, il va y avoir des clubs qui vont avoir besoin d'un instructeur d'expérience, un gars qui va pousser ses joueurs à gagner. Je te dis pas que avec Therrien, ils vont avoir le numéro un, mais il n'y a pas des tonnes d'instructeurs de disponibles. Je regarde à Edmonton, rien ne va plus. À Philadelphie, rien ne va plus. Demain matin, on remplace pas... on donne pas un jeune instructeur, un club qui aspire aux grands honneurs, puis un club qui aspire au premier rang de classement. Donc, à ce moment-là, un gars comme Therrien pourrait, je dis bien pourrait, être un choix logique pour terminer la saison, puis après, il verrait. Mais faut jamais dire que Michel Therrien est hors complètement de la Ligue nationale de hockey. Ça fait des années qu'il a été deux ans arrêté. Il est revenu, puis il a connu quand même du succès avec le Canadien. Est-ce qu'il pourrait rebondir ailleurs? Ben, l'avenir nous le dira, mais moi, je pense que Therrien pourrait avoir une autre chance dans la Ligue nationale de hockey. Mais encore là, c'est sûr que son passé, ses relations avec les joueurs ont toujours marqué un peu ses passages partout où il est allé. Mais ça demeure quand même que les instructeurs de hockey, là, quand le joueur vedette ou un joueur important fonctionne pas, c'est jamais la faute du joueur, toujours la faute de l'instructeur qui l'utilise moins bien. Donc, Therrien ne fait pas exception à la règle, c'en est un autre également qui, lui, doit payer pour Therrien, pas Therrien, mais Brière à Montréal, il n'a pas fonctionné comme on pensait. Là. Mais il n'a pas obtenu les résultats qu'on s'attendait. On attendait de bien meilleurs résultats, ça, il n'y a aucun doute là-bas. Oui, mais Phil, c'est parce que, tu sais, je regarde un gars comme Jacques Martin, qui a gagné deux Coupes Stanley. Martin, qui est un entraîneur d'expérience, il n'est même pas en nomination comme entraîneur potentiel ailleurs. Si Jacques Martin... Ouais. Mais c'est un instructeur de l'ancienne gang, la vieille garde. Et ça, Michel Therrien est sur le bord dans cette gang-là également. Aujourd'hui, on est à l'ère des nouveaux instructeurs, la nouvelle philosophie. Je regardais cette semaine, on parlait dans les Unions majeures du Québec. Je regardais les instructeurs. Ils sont tous dans la quarantaine, presque en majorité. Là. Avant, c'était tous des gars de 60 ans. Aujourd'hui, on est rendu à un autre niveau, à une autre façon de faire, une autre façon également de diriger. Et ce sont les jeunes qui prennent la place de plus en plus. Okay. On le voit dans la Ligue nationale, puis on le voit dans la Ligue junior majeure du Québec également. Phil, soigne ta grippe, on s'en parle vendredi prochain. Merci. Comme matin de malade, Phil est gagné.